Chapitre 3e. La petite fille devenait grande. La nature remplissait tristement sa tâche, mais fidèlement. Camille n'avait que ses yeux au service de son âme. Ses premiers gestes furent, comme l'avaient été ses premiers regards, dirigés vers la lumière. Le plus pâle rayon de soleil lui causait des transports de joie. Lorsqu'elle commença à se tenir debout et à marcher, une curiosité très marquée lui fit examiner et toucher tous les objets qui l'environnaient, avec une délicatesse mêlée de crainte et de plaisir, qui tenait de la vivacité de l'enfant et déjà de la pudeur de la femme. Son premier mouvement était de courir vers tout ce qui lui était nouveau, comme pour le saisir et s'en emparer. Mais elle se retournait presque toujours à moitié chemin en regardant sa mère, comme pour la consulter. Elle ressemblait alors à l'hermine, qui, dit-on, s'arrête et renonce à la route qu'elle voulait suivre, si elle voit qu'un peu de fange ou de gravier pourrait tacher sa fourrure. Quelques enfants du voisinage venaient jouer avec Camille dans le jardin. C'était une chose étrange que la manière dont elle les regardait parler. Ces enfants, à peu près du même âge qu'elle, essayaient bien entendu de répéter des mots estropiés par leur bonne et tâchaient, en ouvrant les lèvres, d'exercer leur intelligence au moyen d'un bruit qui ne semblait qu'un mouvement à la pauvre fille. Souvent, pour prouver qu'elle avait compris, elle étendait les mains vers ses petites compagnes qui, de leur côté, reculaient effrayées devant cette autre expression de leur propre pensée. Madame des Arcis ne quittait pas sa fille. Elle observait avec anxiété les moindres actions, les moindres signes de vie de Camille. Si elle eût pu deviner que l'abbé de l'Épée allait bientôt venir et apporter la lumière dans ce monde de ténèbres, quelle n'eût pas été sa joie. Mais elle ne pouvait rien, et demeurait sans force contre ce mal du hasard que le courage et la piété d'un homme allaient détruire. Singulière chose qu'un prêtre envoie plus qu'une mère, et que l'esprit qui discerne trouve ce qui manque au cœur qui souffre. Quand les petites amies de Camille furent en âge de recevoir les premières instructions d'une gouvernante, la pauvre enfant commença à témoigner une très grande tristesse de ce qu'on n'en faisait pas autant pour elle que pour les autres. Il y avait chez un voisin une vieille institutrice anglaise qui faisait épeler à grand-peine un enfant et le traitait sévèrement. Camille assistait à la leçon, regardait avec étonnement son petit camarade, suivant des yeux ses efforts et tâchant, pour ainsi dire, de l'aider. Elle pleurait avec lui lorsqu'il était grondé. Des leçons de musique furent pour elle le sujet d'une peine bien plus vive. Debout près du piano, elle roidissait et remuait ses petits doigts en regardant la maîtresse de tous ses grands yeux, qui étaient très noirs et très beaux. Elle semblait demander ce qui se faisait là, et frappait quelquefois sous les touches d'une façon en même temps douce et irritée. L'impression que les êtres ou les objets extérieurs produisaient sur les autres enfants ne paraissait pas la surprendre. Elle observait les choses et s'en souvenait comme eux. Mais lorsqu'elle les voyait se montrer du doigt ces mêmes objets, et échanger entre eux ce mouvement des lèvres qui lui était inintelligible, alors recommençait son chagrin. Elle se retirait dans un coin, et avec une pierre ou un morceau de bois, elle traçait presque machinalement sur le sable quelques lettres majuscules qu'elle avait vues épeler à d'autres et qu'elle considérait attentivement. La prière du soir que le voisin faisait faire régulièrement à ses enfants tous les jours était pour Camille une énigme qui ressemblait à un mystère. Elle s'agenouillait avec ses amis et joignait les mains sans savoir pourquoi. Le chevalier voyait en cela une profanation. « Ôtez-moi cette petite !» disait-il, « épargnez-moi cette singerie !»« Je prends sur moi d'en demander pardon à Dieu !» répondit un jour la mère. Camille donna de bonne heure des signes de cette bizarre faculté que les Écossais appellent la double vue, que les partisans du magnétisme veulent faire admettre et que les médecins rangent la plupart du temps au nombre des maladies. La petite sourde et muette sentait venir ceux qu'elle aimait et allait souvent devant d'eux sans que rien eût pu l'avertir de leur arrivée. Non seulement les autres enfants ne s'approchaient d'elle qu'avec une certaine crainte, mais l'évitaient quelquefois d'un air de mépris. Il arrivait que l'un d'eux, avec ce manque de pitié dont parle La Fontaine, venait lui parler longtemps en la regardant en face et en riant, lui demandant de répondre. Ces petites rondes des enfants qui se danseront tant qu'il y aura de petites jambes, Camille les regardait à la promenade, déjà demi-jeune fille, et quand venait le vieux refrain, entrée dans la danse, voyez comment on danse, seule, à l'écart, appuyée sur un banc, elle suivait la mesure en balançant sa jolie tête, sans essayer de se mêler au groupe, mais avec assez de tristesse et de gentillesse pour faire pitié. L'une des plus grands tâches qu'essaya cet esprit maltraité fut de vouloir compter avec une petite voisine qui apprenait l'arithmétique. Il s'agissait d'un calcul fort aisé et fort court. La voisine se débattait contre quelques chiffres un peu embrouillés. Le total ne se montait guère à plus de 12 ou 15 unités. La voisine comptait sur ses doigts. Camille, comprenant qu'on se trompait et voulant aider, étendit ses deux mains ouvertes. On lui avait donné à elle aussi les premières et les plus simples notions. Elle savait que 2 et 2 font 4. Un animal intelligent, un oiseau même, compte d'une façon ou d'une autre que nous ne savons pas, jusqu'à 2 ou 3. Une pie, dit-on, a compté jusqu'à 5. Camille, dans cette circonstance, aurait eu à compter plus loin. Ses mains n'allaient que jusqu'à 10. Elle les tenait ouvertes devant sa petite amie, avec un air si plein de bonne volonté qu'on le prise pour un honnête homme qui ne peut pas payer. La coquetterie se montre de bonne heure chez les femmes. Camille n'en donnait aucun indice. « C'est pourtant drôle, disait le chevalier, qu'une petite fille ne comprenne pas un bonnet. » À de pareils propos, Madame des Arcis souriait tristement. « Elle est pourtant belle, disait-elle à son mari. Et en même temps, avec douceur, elle poussait un peu Camille pour la faire marcher devant son père, afin qu'il vît mieux sa taille, qui commence à se former, et sa démarche encore enfantine, qui était charmante. À mesure qu'elle avançait en âge, Camille se prit de passion, non pour la religion qu'elle ne connaissait pas, mais pour les églises qu'elle voyait. Peut-être avait-elle dans l'âme cet instinct invincible qui fait qu'un enfant de 10 ans conçoit et garde le projet de prendre une robe de laine, de chercher ce qui est pauvre et ce qui souffre, et de passer ainsi toute sa vie. Il mourra bien des indifférents et même des philosophes, avant que l'un d'eux explique une pareille fantaisie, mais elle existe. Lorsque j'étais enfant, je ne voyais pas Dieu, je ne voyais que le ciel. Et certainement un mot sublime, écrit commencé par un sourd muet. Camille était bien loin de tant de force. L'image grossière de la Vierge, badigeonnée de blanc de céruse, sur un fond de plâtre frotté de bleu, à peu près comme l'enseigne d'une boutique, un enfant de cœur de province, dont un vieux surplis couvrait la soutane, et dont la voix faible et argentine faisait tristement vibrer les carreaux sans que Camille en pût rien entendre, la démarche du Suisse, les airs du Bedeau. Qui sait ce qui fait lever les yeux à un enfant? Mais qu'importe, dès que ses yeux se lèvent.